Quatre jours à l'île de Sein, de Charles le Gothic. Audierne, lundi soir, 22 décembre. Qu'il mérite bien son lugubre nom celtique de Kerzu, le très sombre, ce mois de décembre qui n'a été sur la côte bretonne qu'une succession de sinistres. 60 bateaux perdus corps et biens au Guilvinec, Pinmar coupé de la terre ferme, la jetée de la Croix à Concarneau, rasée sur une longueur de 30 mètres, l'île Tudy, à moitié engloutie sous les lames, Morgat, Saint-Nic Pintresse, le Conquet, violemment éprouvé, la mer, de Saint-Malo à Nantes, noire d'épave. Et tout cela n'est qu'un jeu, dit-on, au regard de ce qui s'est passé à Sein. L'après-midi du 4, un raz-de-marée aurait couvert l'île, noyé les terres, éteint le phare, démoli 22 maisons. L'île, menacée de mourir de faim, est restée 16 jours sans communication avec le continent. Les journaux sont pleins de détails sur ce sinistre qui excède en horreur tous les autres. Audierne est le point du continent d'où l'on peut le plus aisément gagner Sein. Deux fois par semaine, sur le papier, un bateau-poste fait le service d'Audierne à Lille et de Lille à Audierne. Renseignement pris, la poste appareille mardi prochain à la première heure. Je n'ai que le temps de boucler ma valise. Il faut un jour plein pour se rendre de Paris à Audierne. Parti le dimanche dans la nuit, j'arrive à 7 heures du soir le lendemain à Douarnenez. Là, changement de ligne. On prend le tortillard, qui souffle, fume, harane, jusqu'à Pont-Croix. Puis la voie longe la rive droite du Goyen en direction d'Audierne. C'est jusant. La nuit est sans lune, mais étoilée, et la rivière élargie luit d'une clarté mystérieuse entre ses berges d'ombre. Nous doublons des barques qui descendent au fil de l'eau. Toutes noires, sur l'argent du fleuve, silencieuses et lentes, elles ont l'air de ces barques funèbres dont parle Procope et qui, sur ces mêmes rivages, il y a 1300 ans, faisaient de nuit la traversée du continent aux îles pour y déposer leur cargaison d'âmes. Le train siffle au disque, sa grosse sirène hule plaintivement dans la vallée, des lumières tremblotent, Audierne. Tout le monde descend, un ami que j'ai prévenu, Yves Gauthier, m'attend à la gare, et c'est pour m'annoncer que le bateau-poste, qui devait quitter l'île ce matin, a été retenu par le mauvais temps. On pense qu'il arrivera demain au petit jour et repartira dans la soirée. Nous suivons les quais, déserts à 7 heures. Audierne n'a pas encore de réverbère, mais la nuit est claire. Les barques de pêche dorment dans le port. À l'extrémité de la jetée, un phare, toutes les 5 secondes, timbre la mer de son cachet rouge. Mardi. Pas de chance. Le bateau-poste est toujours en relâche. À son défaut, j'aurais pu prendre un autre bateau de l'île qui est attendu en même temps que lui avec un chargement de langoustes. C'est un sloop ponté de 30 tonneaux, le SFM, appartenant à un mareyeur nommé Milliner. Mais le bateau de Milliner n'a pas plus bougé que le Zénith. C'est le nom du bateau-poste. Il fait calme plat dehors et grosse houle dans le rang. Le pire des temps ici, avec la brume. Si le vent se lève, peut-être les deux bateaux partiront-ils demain, à pointe d'aube, pour être à Audierne vers 9 heures ou 10. Que faire de ma journée? Gauthier m'a parlé d'un percepteur de la région, M. Le Carguet, auteur d'un tableau de l'île et du rat de Sein, paru dans la Revue des Traditions Populaires. M. Le Carguet me reçoit avec une grâce parfaite. Son tableau n'est qu'une esquisse, un crayon. Depuis 15 ans qu'il explore en tous sens le Cap Sizun et l'île de Sein, il rassemble des matériaux pour la grande fresque à laquelle il songe et qui tentera quelque jour peut-être un éditeur. Un artiste sympathise d'ordinaire avec ses modèles. Il est remarquable que M. Le Carguet n'éprouve aucune tendresse pour les siens. On a fort exagéré, selon lui, la misère des Iliens, qui n'est qu'une légende soigneusement entretenue par les intéressés. Elle leur vaut des secours de toutes sortes, en nature et en argent, des pouvoirs publics et des particuliers. L'Ilien, me dit-il, est passé maître dans cette guitare. Quémandeur par habitude plus que par besoin, il joue de sa misère près des étrangers à qui ses manières doucereuses, sa prudence de langage et sa souplesse de physionomie donnent presque toujours le change. C'est ainsi que la majorité des écrivains, de Cambry à M. Ardouin Dumazet, se sont plu à faire des Iliens des êtres de dévouement et de sacrifice, des héros qui s'ignorent. ces prétendus héros sont tout bonnement d'acharnés pilleurs d'épaves. Et sur ce point d'ailleurs, les riverains d'Audierne, du Cap et de Pinmar n'ont rien à leur envier. Les uns et les autres vont toujours au bris, au passé, comme ils disent ici. C'est leur plus sûre ressource. Encore avaient-ils une excuse, jadis. En hiver, parfois, après une série de tempêtes, les vivres manquaient, comme on soupirait alors après un naufrage. Elle est encore légendaire, la galiote hollandaise qui vint, s'échouant sur l'île affamée, l'approvisionner de fromage. Mais les Iliens n'attendaient pas toujours que l'épave fût sur leur rocher. Souvent, par nuit sombre, un bateau, équipage doublé, quittait furtivement le port. Il jetait deux hommes à la pointe sud de l'île Kerlaourou. Ceux-ci passaient la nuit à crier « Hola, ou, ou, ah !» Les habitants, effrayés, prenaient ces cris pour les plaintes des noyés. Ils se barricadaient dans leur maison et ne bougeaient plus. Pendant ce temps, la barque, se guidant sur les bruits différents que rendent les roches frappées par la lame, forçait des avirons et gagnait le rang. Malheur au navire, lourdement chargé, qu'elle rencontrait sur sa route. Avant le jour, la barque, après avoir repris ses deux hommes, rentrait à l'île aussi mystérieusement qu'elle en était sortie. Et sans doute, continue mon interlocuteur, ces détestables pratiques ont disparu peu à peu à mesure que les routes s'éclairaient et que croissait la surveillance. Il n'y a plus de naufrageurs à Saint. Ces honnêtes gens se contentent de profiter du naufrage sans le provoquer. Par exemple, ils en profitent, grands et petits, les grands prêchant d'exemple, en faisant main basse pour commencer sur les chronomètres, les sextants, les montres, l'argent du bord. Dans l'espace de 7 ans, ils ont pillé à ma connaissance une douzaine de navires. La Joséphine Henriette, l'Alcédo, la Gironde, l'Alexis Caroline, la Guyenne, le jeune Eugène, la Mercedes, la Catarina. En peut-il être autrement? Il n'y a ni gendarmes ni douaniers dans l'île, rien qu'un syndic. En 1893, pourtant, au mois de juillet, lors du naufrage de la Guyenne, qui s'était perdue sur la chaussée d'Armen, le pillage fut si scandaleux que le syndic intervint. Les plus riches Iliens étaient compromis. Il perquisitionna chez eux, dressa une vingtaine de procès-verbaux. Traduits en correctionnel, ils se présentèrent devant le tribunal de Brest, la poitrine cuirassée de médailles, de chapelets, de sacré-cœur, de scapulaires. Mais la perquisition avait eu lieu trop tôt, et le syndic n'avait pas laissé passer le temps légal pour la déclaration. On dut les acquitter. Quelques mois plus tard, le 16 novembre, l'Alexis Caroline s'échouait sur l'île. Le bateau avait des avaries graves, mais on pouvait le renflouer. Les Iliens s'y opposèrent. Du moment que le navire avait touché, le navire était à eux. Une partie de la cargaison fut pillée. Le plus acharné au pillage était un ancien maire, surnommé Choléra, et riche à plusieurs milliers de livres de rente. Heureusement, le capitaine se montra homme de résolution. À l'aide d'une forte marée et en élongeant des ancres, il renfloua son navire qui put gagner Audierne. Non sans peine d'ailleurs, et des Iliens parlaient déjà de lui faire son affaire. Cette année encore, le 7 février, quand la Catarina vint donner sur le Gazec, le consul de Norvège, qui avait pris de Brest la direction du sauvetage, dut s'adresser à la marine pour suspendre le pillage en règle du steamer. Rien n'y fit. Le renflouement ne put s'opérer et on abandonna ce qui restait de la cargaison. Je vous en conterai jusqu'à demain de ces histoires de passé. La Joséphine Henriette, chargée de Campêche, fait côte la nuit de Noël pendant la grand-messe, entre le Chat et Kerlaourou. L'équipage avait trempé un prélat dans du pétrole et l'agitait sur le pont comme une torche pour appeler. En une seconde, l'église fut vide, toutes les barques à la voile, et sans doute l'équipage fut sauvé. Mais le lendemain, il n'y avait plus une bûche de Campêche dans la cale. Un des membres de l'ancienne municipalité, qui ne fut pas le moins empressé à la besogne, en a gardé le surnom de Bois des Îles, donné par la chanson. Car chaque passé, à Saint, prête à une chanson, généralement satirique, revanche du populaire contre les puissants, qui prennent la plus grosse part du gâteau et ne lui laissent que les miettes. Ces chansons d'épaves, très nombreuses, à cause de la fréquence des naufrages, feraient une branche inattendue et tout à fait curieuse du folklore maritime. Mais elles abondent en personnalités qui les rendent malaisément publiables. Je remercie Monsieur le Carguet de ses renseignements. Midi a sonné depuis belle lurette et mes hôtes doivent s'impatienter. Le déjeuner expédié, qui est en Bretagne la grande affaire de la journée, j'occupe tant bien que mal les heures qui me restent en flânerie sur le quai, dans les petites rues capricantes de la ville haute, le long de l'ancien chemin de halage où passe maintenant le train de Douarnenez à Audierne. Des hérons pêchent sur une patte, le cou seul en mouvement, tout le reste du corps immobile à la pointe des bancs de vase que découvre le jusant. Le passage du train, non plus que le cri rauque de la sirène sifflant au disque, ne les dérange. Un moulin sur la hauteur attend le vent, il fait doux comme en été, aucune des barques n'est sortie, les filets sèchent entre les mâts ou sur des cordes, à quai, et leurs mailles brunes sont toutes pailletées d'écailles d'argent rose. L'église est à mi-côte, étroite et basse, et on ne l'aperçoit que quand on a le nez contre. Elle n'offrirait guère d'intérêt sans les caravelles qui sont sculptées sur la façade et dont l'une, dématée, chargée de têtes qui s'alignent au ras du bordage, fait songer à une boutique de jeux de massacre. C'est vigile de Noël demain, mais il n'y aura pas de messe de minuit à Audierne, non plus que dans les quelques autres villages du Cap où l'on a supprimé cette cérémonie depuis une quinzaine d'années. La foi, ici, est restée toute barbare et primitive. Les hommes, surtout ceux de Poulgoisec, buvaient, fumaient, ripaillaient à l'église, et ces enfances ne sont plus comprises du clergé. Mercredi. Au saut du lit, je cours sur le quai. Le vent s'est levé, mais de mauvais poil. Le moulin a pris des ris. Fâcheux augure, me dit le capitaine du port. 9 heures, 10 heures, 11 heures, aucun bateau de l'île n'est signalé. La marée commence à déchaler. La barre s'annonce terrible à l'entrée. Des goélands tournent dans le vent. Midi, je ne partirai pas encore ce matin ni ce soir. Partirai-je seulement demain ? Le commissaire de l'inscription maritime que je vais voir n'est pas plus catégorique là-dessus que le capitaine du port. On ne sait jamais exactement quand on partira pour Saint, ni quand on en reviendra. Et il ajoute entre les dents avec un petit rire, on ne sait même jamais si on y arrivera. Sur le ras de marée du 4, le commissaire me confirme fort aimablement ce que m'avait déjà dit Monsieur le Carguet. Les dégâts n'ont pas l'étendue qu'on leur prêtait. 2 chaloupes, gréées en sloop, et 6 canots ont disparu, soit une perte de 1 500 à 1 600 francs. Aucune maison n'a été détruite. Ce sont les digues qui ont le plus souffert. Il paraît qu'elles ont été forcées en 2 ou 3 points par où la mer est entrée dans les champs. Mais c'est l'hiver. Il n'y avait rien dans ces champs qu'un peu de goémon et des choux. Les Iliens n'apportent aucune mesure dans leurs réclamations. À les croire, ce sont les plus malheureux des hommes. Il en faut rabattre. Justement, comme je rentre chez mon hôte, on me remet une sorte de mémorandum qu'a bien voulu rédiger à mon intention M. le Carguet. Cela s'ouvre sur ces mots. « Monsieur L. G. sera le bienvenu à l'île de Saint. Voici pourquoi. Arrivant après le désastre, c'est pour apporter une bénédiction de secours, de subvention. Tout ce qui vient de la mer est envoyé par le ciel, qui a exaucé les prières, les vœux des Iliens. Mais qu'il se méfie de faire pressentir le caractère de son étude. On lui comptera là-dessus plus qu'il n'en pourra écrire si ses pensées, la direction de ses recherches, sont devinées. Il n'y a pas comme l'Ilien et le Capiste pour s'identifier à l'esprit de leur interlocuteur. Au point de vue poétique, rien de plus attrayant, de plus touchant, de plus vraisemblable. L'Ilien surtout sent au suprême degré. L'émotion qu'il éprouve, il vous la transmettra. Mais qu'il faut l'analyser. Aujourd'hui, son but est d'apitoyer, et tout en lui, âme et corps, tendra vers ce but. Pour l'étranger qui débarque à Saint, en curieux, la réception sera la même, toute cordiale, toute affable. « Oh, que les Iliens, dira-t-il, ne sont plus les barbares pilleurs d'autrefois !» Encore à vérifier. L'étranger qui prend terre sur l'île est une épave envoyée par Dieu, appartenant à tous. Chacun cherchera à en tirer pour soi le plus gros morceau. On n'en voudra pas à sa vie, mais son porte-monnaie subira de rudes attaques, et si le voyageur se sauve, ce ne sera qu'en l'emportant éventré. Que tout cela est donc engageant. Jeudi. Le Zénith et le SFM sont arrivés à quelques minutes de distance. C'est la première nouvelle qui m'attend sur le quai. Enfin, au bateau-poste, où je cours d'abord, le patron Ménou est en train de revêtir la blouse bleue, à collet rouge, des facteurs de l'État. « Partez-vous aujourd'hui ?» Ménou lève la tête, hume le vent. « Non, La brise est bonne pour venir de Saint, mais pas pour y retourner. Et puis, comme il y a près d'une quinzaine qu'il n'a pris terre, sa liste de commissions est trop chargée pour qu'il songe à repartir dans la journée. Alors, c'est pour demain. « C'est fête chômée, demain, » me répond Ménou. « On ne navigue pas. »« Après-demain. »« Oui, peut-être, s'il fait beau. » Je me tiens à quatre pour ne pas lui hurler des injures. J'aurai peut-être plus de chance avec Millinaire, mais là j'arrive trop tard. Millinaire s'en est allé à Pont-Croix retrouver son père, Jean-Pascal, Yann Pasque, dit-on ici, maire de Lille, depuis 8 jours. Tous les deux doivent revenir à Audierne par le train de 11h20 et le Mousse qui me donne ses renseignements pense que le SFM partira dans la soirée pour que l'équipage puisse assister à la messe de minuit. Simple supposition d'ailleurs, heureusement j'ai l'adresse de Millinaire à Pont-Croix. Je télégraphie à Monsieur le maire pour lui demander s'il compte regagner Saint aujourd'hui. En réponse à mon télégramme, je reçois ces 5 mots passablement ambigus « Communiquerai décision train 11h ». Signé Millinaire. Je n'en sortirai pas. Naturellement, je suis exact au rendez-vous. Les deux Millinaires sautent du train et tout d'abord le cadet m'annonce que le SFM ne pourra reprendre la mer dans la soirée. La cale est pleine de langoustes qu'il faut expédier sur Paris. Mais Yann Pasque tient à rallier l'île avant la nuit. Il me propose d'adresser un télégramme à l'un de ses gendres qui viendra nous chercher à la pointe du Raz. Je paierai le télégramme et aussi la voiture jusqu'à la pointe. Marché conclu. Il y a 4 lieues d'Audierne à la pointe du Raz. La route suit la ligne de fête des collines. La pluie qui tombe n'a pas abattu le vent. La mer passe du vert plombé au gris sale. On ne cesse de l'apercevoir sur notre gauche. Et par moments, des cassures dans la falaise l'introduisent presque sous nos pieds. Mon compagnon de voyage est déjà beaucoup moins affirmatif sur l'issue de notre tentative. La dernière tempête a démoli les petites cales d'abordage qui permettaient d'atterrir aux deux côtés de la pointe. Si son gendre a pu prendre la mer, il faudra que nous embarquions à la baie des Trépassés en nous aidant des crampons de fer fixés dans la falaise, qui a 60 mètres de haut en cet endroit et plonge à pic dans la lame. Le vent augmente, Plogoff traversé, nous entrons dans la désolation. Plus rien autour de nous que des pierres et de la tourbe. Notre carriole stoppe devant l'ancien phare qu'on est en train de transformer en sémaphore. Par les temps calmes, de là, on aperçoit Saint. On ne voit rien aujourd'hui. Pas une barque n'est sortie de l'île. Nous attendons 1 heure, 2 heures, les pieds dans la boue, fouettés d'une pluie aigre que le vent d'ouest rabat par bouffées. Décidément, il faut quitter tout espoir et retourner à Audierne. Yann Pasque m'explique les choses avec sa sérénité habituelle. C'est un homme de 60 ans, une sorte de grand coq maigre, crêté d'argent, et haut perché sur pattes, avec une tête énergique, un œil guetteur, des lèvres rentrées. Il s'exprime, lentement, non sans grâce, et une façon de poésie languissante qui me toucherait davantage si on me l'avait donnée pour le type même de Lilien. Mes pauvres compatriotes, notre pauvre île, quelle vie que la nôtre! La peinture qu'il me fait de cette vie toucherait les cœurs les plus durs. Il n'est pas d'homme plus dévoué et plus désintéressé que les Iliens. Lui-même n'a en vue que le bonheur d'autrui, l'amélioration du sort général. C'est pour cela seulement qu'il s'est laissé porter à la mairie. Il y a bien quelques mauvaises têtes dans l'île qui lui en veulent et qui ont écrit au préfet pour protester contre son élection. Mais est-ce d'aujourd'hui seulement que les bienfaits sont payés d'ingratitude ? La vérité, que je sais déjà, est que Yann Pasque a tout fait pour être maire, qu'élu 2 fois, 2 fois son élection a été cassée pour fraude, et que les mêmes manœuvres se sont reproduites au dernier scrutin. Je le sais riche, décidé, habile, peu embarrassé de scrupules. Il ne passe point pour aimer les étrangers, et les Paimpolais se rappellent qu'en 1889, maire pour la première fois, il a essayé de leur fermer l'île en défendant aux habitants de les prendre pour locataires. Décidément, ce compagnon d'aventure ne me sourit guère, et ses tergiversations, tant de détours, de réticences, sous une parole si onctueuse, ont achevé de m'énerver. Je commence à croire qu'il y a une conjuration pour m'empêcher d'aller à l'île, de voir par mes yeux et de raconter ce que j'ai vu. Je me fais conduire à Plogoff, où je passerai vaille que vaille la veillée de Noël. Et Yann Pasque regagnera seul Audierne. Un cabaret pauvre, des murs nus, un enfant malade et qui jeûne, le maigre feu de Goémont où j'essaie de me réchauffer en attendant la messe, la pluie qui bat les routes au dehors, une cloche grêle qui tinte par intervalles, débordée d'hommes ivres qui passent, c'est tout le souvenir que me laissera cette veillée. J'ai soupé d'une tranche de pain et d'un bout de lard froid. Demain, je reviendrai pédestrement à Audierne. Vendredi. Rien à signaler aujourd'hui. Il fait beau, heureusement, mais la route est détrempée par la pluie. 9 heures sonnent quand je me mets en marche. Je compte faire 2 étapes. Déjeuner à Primelin et rentrer dans l'après-midi à Audierne. Le cap, si sombre hier, sous le crêpe de l'averse, est presque gai ce matin. Toutes les maisons rient, rejointoyées de chaux vives, coiffées d'ardoises bleues, festonnées de vignes ou de glycines, qu'on se sent loin du triste iliou de la misérable Cornouaille des monts. La vie ici est abondante et facile, ce qui n'empêche pas les capistes de dresser leurs marmots à courir derrière les voitures en criant « Un petit sou, monsieur, un petit sou !» C'est devenu une industrie et qui accapare tous les enfants valides de 3 à 10 ans. Ils ont un répertoire de chansons, de vivas, de cris et 1000 tours de bâtons dont ils obsèdent les voyageurs aux montées. Ils passent ici en été jusqu'à 50 voitures par jour. C'est l'hiver, les touristes sont rares, il n'y a pas un gamin sur la route. Cette plaie de la mendicité bretonne, sans l'excuse d'une pauvreté véritable, mais du moins épargnée aujourd'hui. Mais tout de même, parviendrai-je à m'embarquer? Île de Sein, samedi soir, 2 heures. Eh bien oui, cette fois, il paraît qu'on s'en va. Mais nous, le patron du Zénith, m'en donne l'assurance. Mais je n'aurai de repos que les amarres lâchées, la voile en place et le timonier à la barre. Il fait du vent, et même gros vent, mais c'est le vent du sud-ouest qui porte vers l'île. Après quelques bordées dans la rivière, quand nous aurons doublé le musoir de la jetée, il n'y aura plus qu'à courir grand largue dans la direction de Sein. 3 femmes embarquent avec nous. Une artisane d'Audierne, coquette, l'œil vif, sous son fin bonnet de dentelle, une jeune paysanne du Cap et une vieille ilienne en jobeline noire qui revient de pèlerinage. Un banc les reçoit à l'arrière, le seul où l'on puisse s'asseoir sans trop gêner la manœuvre. Toutes 3 se signent, au lâcher des amarres, la grande voile est hissée, puis le phoque, le petit phoque, le flèche, et nous courons notre première bordée sur Poulgouazec, un hameau de pêcheurs qui trempe dans le Goyen, en face. Cette navigation en rivière ne laisse pas elle-même d'avoir ses dangers, à cause des tournants et de l'étroitesse du chenal. Des maisons de plaisance, des bois de pins parasols, de hautes bâtisses blanches, pareilles à des casernes, et qui sont des fritures bruissantes de chansons et de cris l'été, aujourd'hui muettes, s'étagent sur notre droite, le long de la digue en pierre de taille, construite par l'ingénieur Fénou. Beau travail d'art et parfaitement inefficace. L'estimable ingénieur se flattait que sa digue fixerait le chenal. En fait, les bancs de sable de l'entrée se déplacent comme avant, et la barre reste aussi forte. On commence à danser sur le zénith, le teint des femmes tourne à la cire, elles se penchent sur le plat-bord, compromettent l'équilibre. Le patron finit par les renvoyer dans le poste et je reste seul sur le pont avec l'équipage. Brusquement, la jetée franchie, l'horizon se découvre. Nous sommes dans un vaste estuaire nu, sans une île, sans un caillou, et qui rappelle à s'y méprendre l'estuaire de la Seine. C'est la même configuration de côte. À gauche, des collines violettes qui se fondent vers Pinmar dans une brume grise, d'un gris à peine plus foncé que celui de la mer et du ciel. À droite, de hautes falaises verticales creusées de grottes profondes. Rien ne pousse sur ces falaises qu'un peu de bruyère mêlée d'un ajonc court et dru où se blesseraient les troupeaux. L'été, cela fait des tapis d'un rose pâle poudré d'or qui sont délicieuses à l'œil, et l'hiver, leur teinte rousse et brûlée, demeure belle encore. Les vraies fleurs du paysage, ce sont les clochers de granit qui pointent sur la hauteur. Ils s'enlèvent un tous les 100 mètres. Le patron me les nomme au passage. Saint-Huguen, Saint-Yves, Saint-Thay, Saint-Colodane, Saint-Michel, Esquibien, Goulien, Primelin, Plogoff, enfin, la chapelle d'Itron Varia, Arve Armad, Notre-Dame de Bon Voyage, qui, du plateau de Penéar, commande l'entrée du rang. Elle est bien connue des Iliens, cette chapelle de bon voyage, où, le jour du pardon, ils se rendent processionnellement sur leur barque, bannières au vent, les flammes pâles de leurs petits cierges étoilant le rat à l'infini. Effectivement, le rat est devant nous. Il fait un grand sillon de l'est à l'ouest, où la mer boue, tourne et court comme dans une cuve chauffée à blanc. Le rat se broie. « En Emsraï, » disent les marins. « Encore quelques embardées et nous y serons. » Mais le patron glisse un ordre aux mousses. L'enfant disparaît puis remonte sur le pont, remorquant la vieille Ilienne qui s'accroche à la rampe pour ne pas tomber. Elle s'agenouille contre la lisse face à la chapelle de bon voyage. Le patron crie impérieusement « Bas les casquettes !» Et la bonne femme, après un signe de croix que répète l'équipage, récite l'Angélus, l'Ave Maria et le De Profundis. Les hommes font les réponses en sourdine, et quand c'est fini, la vieille Ilienne regagne sa couchette au bras du mousse. Ce n'est pas tout à fait la scène classique dont parlent les guides, avec sa prière fameuse « Doué vas courit, evit remen haraz, rag mavag zobian, agar mor azobraz. Seigneur, secourez-moi au passage du rat, car ma barque est petite et la mer est grande. » C'est quelque chose de plus simple et de tout aussi poignant. Nous sommes maintenant en plein rat. Nous naviguons, d'après la légende, au-dessus des champs où fut Is, et les marins bretons, qui ne vont pas chercher leurs explications bien loin, disent que c'est à la présence de cette ville dissolue sous les eaux qu'est dû le trouble de la mer. Peut-être, en nous penchant, verrions-nous passer entre les algues la fantomale chevauchée d'Aès et de ses cavaliers, les 40 seigneurs aux manteaux de pourpre, qui se rendaient chaque matin à la messe de l'Aoual pour lui rapporter des hosties. Aès, certains jours, monte encore sur les eaux, elle annonce la tempête. « Chetou Marie, Harap !»« Voilà, Marie du Cap !» disent les marins en se signant, et ils font demi-tour. Après avoir beaucoup douté, je suis aujourd'hui intimement convaincu de la submersion d'Is. Je suis beaucoup moins assuré de l'emplacement qu'occupait la ville. En 1828, pourtant, un marin de Plogoff nommé Pierre Tréhanton, qui pêchait dans le Raz le jour du Vendredi Saint, en ramena une croix Moïse d'1,20 m de hauteur qui s'était accrochée à sa palangre et qui provenait évidemment d'un calvaire ou d'une église. On montre encore cette croix à Pénéar. 10 heures du matin. Nous coupons en perpendiculaire à vapeur qui vient de l'Armorglay, la mer gauche que le Raz fait communiquer avec la mer droite, Armor Deo. Il faut bien calculer l'heure des courants pour passer le Raz. Il n'est hélice qui tienne, ni voile, ni aviron, me dit Ménou. Le Raz n'a que 2 passages, l'un pour les grands navires entre la Petite Vieille et Saint. La meilleure heure pour s'y risquer est l'étale. Si c'est flot, en effet, le courant porte au nord, sur la tête du chat. 23 navires ont ainsi fait côte, en une seule année, sur les barillets ou le chat, sans compter ceux qui coulèrent à pic et n'ont pas dit leur nom. La seconde passe, pour les caboteurs et les bateaux de pêche, s'ouvre entre la vieille Corlebella et la pointe du Raz. C'est la plus sûre. Cependant, aux 3 dernières heures du jusant, la marée y porte sur les écueils de la vieille. Partant calme, le navire est perdu. La houle du large le prend par le travers et l'envoie talonner sur quelque haut fond. Nebnesenket Urharstour, Urhargarek Arasour. Si le navire n'obéit pas au gouvernail, au rocher, il obéira sûrement. On les voit distinctement à présent, cette vieille Corlebella et sa fille, la petite vieille, l'une avec son phare de 33 mètres de haut, l'autre avec sa balise à feu décapitée par la dernière tempête. Derrière elle, la pointe du Raz, Arstown, l'étrave de la terre, le Gobeum Promontorium de Ptolémée, déchire l'eau âprement. Et voici que devant nous, si basse à l'horizon qu'elle semble un radeau, commence d'émerger l'île. Un radeau à l'ancre, ou mieux, dans cette lumière d'hiver, d'un bleu lavé, un gigantesque nymphéa de qui son phare blanc semble la fleur. Nous courons vent arrière sur elle. La mer est plus calme, hors du Raz, et nous retrouvons ici la grande houle rythmique et berceuse du large. Ça ne dure guère d'ailleurs. La mer blanchit encore. Cette fois, ce sont les brisants. Ils sont là tout autour de Saint, sur 10 lieues de circonférence, comme une meute de chiens enragés, bavant et jappant après le naufrage. Guelvan, Nérot, Argazec, Plassou, Vaskern, Guernefan, Trouzihard, Neulach, Janetta, et le dernier de la bande, le plus féroce, aujourd'hui muselé, une flamme au front, Armen, la pierre, la première en effet qu'on aperçoit après le grand désert atlantique quand on vient des États-Unis. Il faut une connaissance singulière des lieux pour louvoyer dans ses remous, entre ses gueules sournoises ou larges ouvertes. Fions-nous là-dessus au patron Ménou, et d'une façon générale à tous les Iliens. Le rat est leur domaine, leur parc, leur boulevard. Ils en savent de naissance tous les écueils, et, pris par la brume ou la nuit, l'oreille les dirige presque aussi sûrement que l'œil. Chaque brisant a sa rumeur particulière qu'ils reconnaissent de loin et qui les renseigne. Et, tout de même, c'est une assez forte surprise à qui débarque ici, pour la première fois, sous l'impression de ses lectures, de découvrir, au lieu des misérables chombas sans lumière qui l'attendaient, un double amphithéâtre de maisons blanches, aux volets de couleur, face à la rade et d'un étage ou deux sur rez-de-chaussée. Un grand banc de rochers, le Nérot, vraie barricade naturelle, défend cette rade de l'est à l'ouest. La digue de Kerlaourou l'épaule vers le sud, de beaux quais, des cales, deux ou trois petits débarcadères, soigneusement entretenus, achèvent de donner aux visiteurs une impression de bien-être matériel que ne démentira pas un examen plus attentif des lieux. Les barques sont rentrées, uniformément gréées en sloop, elles se balancent dans les deux ports naturels creusés derrière le Nérot et que sépare une légère avancée de roches. Le port du sud, réservé pendant l'été au Paimpolais et qui a pris d'eux son nom, on l'appelait auparavant Anhaudmer, et le port des Iliens ou port Saint-Guénolé. C'est dans celui-là qu'est le corps mort où va s'amarrer le zénith. Un canot accoste pour nous conduire à terre. La vieille Ilienne a déjà repris figure, mais les autres passagères ne sont pas encore remises de leurs secousses et j'ai peine à reconnaître mes jolies filles d'Audierne dans ces têtes grises et fripées. La plupart des Iliens sont sur le quai, adossés aux maisons ou accoudés aux parapets, suçant leurs pipes, impassibles et silencieux comme des Indiens. Des enfants jouent à la toupie. Je ne connais personne séant, et les rapports qu'on m'a faits m'ont mis sur le qui-vive. Trouverai-je seulement où loger? On compte 27 débits dans l'île et pas un hôtel. Voyez, m'a-t-on dit, chez Kernalegen ou chez Fouquet. Avant tout, je tiens à prendre l'avis d'un des fonctionnaires de l'île, médecin de la marine, syndic ou instituteur. Le hasard me sert remarquablement. Le premier personnage vêtu en monsieur que je rencontre est le docteur Prigent. Mais sa nomination ne remonte qu'à quelques jours. Il remplace le docteur Collin, nommé lui-même à Indre. Monsieur Collin est venu chercher son mobilier à Lille. Il y a vécu 3 ans et demi. Voilà l'homme qu'il me faut. Le docteur Prigent m'offre de nous présenter. Rendez-vous est pris pour l'après-midi et entre-temps, nous poussons vers le père Fouquet. L'avenante auberge, claire, large, tournée vers la rade en outre, mais le père Fouquet souffre d'un abcès à la bouche et ne tient pas à s'embarrasser d'un pensionnaire. Eh bien, voyons chez Kernalegen. Nous enfilons une venelle d'un mètre de large, une autre qui la coupe à angle droit et dont l'auberge de Kernalegen fait l'encoignure. À l'abri de la tempête, dit l'enseigne, diable, et du jour aussi. Kernalegen est chez lui. C'est un gros homme à bedaine qui zézait, traîne ses chaussons, s'essuie dans sa culotte et vous tend une main grasse de prébendier. Il n'a pas de chambre à me louer, un lit seulement ou faisant façon dans une pièce commune. À la grâce de Dieu, si la paille est vierge et les draps frais, je n'oserais point me plaindre. Nous passons marché pour la pension et la chambre. 6 francs par jour, tarif d'amis, qui peut monter pour les inconnus à 15 ou 20. J'étais prévenu. Il est midi tapé. Je déjeune sur un bout de table, d'un restant de ragoût et d'un fond de boîte de sardines. Les provisions fraîches qui arrivent d'Audierne par le zénith n'ont pas encore été débarquées, sauf le pain dont les miches portent des étiquettes imprimées au nom de chaque destinataire et qu'on distribue avant le reste. Mon hôtelier s'en excuse et familièrement au café s'assoit à ma table. Du reste, je mange dans la cuisine qui sert en même temps de débit et d'épicerie. Kernalegen m'explique qu'il n'a pas de domestique. que sa femme est revendeuse à Brest, où elle habite avec ses autres enfants, et que sa fille aînée vient l'aider d'avril à octobre, pendant le coup de feu des Paimpolais. Il ne passe guère de voyageurs l'hiver, et je suis le premier Parisien qu'on ait vu à Lille depuis septembre. Aussi, ma présence l'étonne et l'intrigue. Je n'ai aucune raison pour faire le mystérieux avec ce brave homme. Oui, c'est vrai, j'arrive de Paris, où les dernières nouvelles de la tempête ont ému pas mal de gens. On parle là-bas de 22 maisons détruites, de la famine qui menace, des digues crevées, prélude à la submersion totale et définitive de l'île. Les habitants ont adressé un pressant appel au gouvernement, aux journaux, à M. de Rothschild. Qu'y a-t-il de fondé dans leur réclamation ? Rien, monsieur, absolument rien. Je dresse la tête. Vous n'êtes pas ilien, Kernalegen. Moi, monsieur, Dieu m'en garde, je suis de Douarnenez, qui est un pays d'honnêtes gens, et je n'ai qu'un désir qui est d'y retourner. Je me disais aussi. Enfin, que reprochez-vous aux Iliens ? Mais vous ne les connaissez pas, monsieur, me répond-il en levant les bras au plafond. Allez les voir sur le quai. Sortis de la mer, ils ne feraient pas œuvre de leurs petits doigts. Bon marin, peut-être. Mais pour le reste, fainéants, menteurs, ivrognes et filous, monsieur. Les premiers temps, ils venaient boire à crédit chez moi. J'attends encore leur argent. Il n'y a pas un navire à la côte qui ne se jette dessus, comme des loups. Ils font des simagrées à l'église que c'en est une pitié. Croiriez-vous qu'il n'y en ait pas un qui vote pour le gouvernement ? Tenez, monsieur, ces Iliens, voulez-vous que je vous dise, tous des rastaquaires, sauf votre respect. Des rastaquaires ? Oui, monsieur, et je ne m'en dédie pas. Ah, si c'est vrai, monsieur, que vous pouvez quelque chose dans le gouvernement, je vais vous l'apprendre, moi, ce qu'il faudrait que vous demandiez pour eux. Pas des subventions ni des secours. Ce pays-ci est une Californie. Il y pleut de l'or à bénédiction. Et puis, quand les secours arrivent de la Grande Terre, le maire et ses adjoints commencent par enfourrer les trois quarts dans leurs poches. Un ancien maire n'est plus connu que sous le nom de choléra, parce que les victimes de l'épidémie n'ont jamais vu la couleur de l'argent qu'il leur devait. Ça, c'est pour l'honnêteté. Pour leur moralité, est-ce qu'une fois que j'étais parti au Cap et que j'avais laissé ma fille à la maison, il n'en est pas venu trois cogner de nuit à la porte en criant « Rose, v'là ton père qui est arrivé avec la poste ». Jugez un peu si la pauvre enfant avait ouvert. Non, monsieur, ni argent, ni secours en nature. Demandez au gouvernement qu'on leur envoie une brigade de gendarmerie. Où la rancune va-t-elle se nicher ? Ce gros geignard de Kernalegen, capitonné comme un rat d'église, son séjour à l'huile, qui dure depuis 30 ans, ne paraît pas l'avoir trop éprouvé. Il a fait sa pelote. Il n'attend qu'une bonne occasion pour céder son débit et aller vivre de ses rentes près des siens. Les Iliens n'ont pas dû se montrer si arabes à son égard. Je lui en fais doucement l'observation. « Mais, monsieur, me dit-il, ce ne sont pas les Iliens qui me donnent à gagner. Faites-vous miel, ils vous mangeraient comme mouches. Ce sont les Paimpolais qui campent ici pendant 6 mois de l'année avec leur famille, les Iliens. Essayez voir de leur envoyer l'huissier quand ils vous doivent quelque chose. Il y en a un d'Audierne qui s'y était risqué. Ils l'ont gardé 3 semaines sous clé. Pas un bateau ne voulait le ramener à terre. On a dû le rapatrier par torpilleur. Tous des rastaquaires, je vous dis. Rastaquaires, rastaquaires, nous allons bien voir à la fin. Samedi, minuit. Le vent est tombé quand je sors de chez Kernalegen. Il fait doux, brumeux, un temps argenté qui s'harmonise délicieusement avec cette terre grise, ces rochers gris, sans une verdure, sans une fleur. Les bateaux ont repris la mer, le bourg semble vide. Il est disposé d'une manière curieuse et peut-être unique, du moins en Bretagne, où les constructions aiment leurs libres coudées, mettent volontiers entre elles de grands espaces. Toutes les maisons, à l'exception de l'école, se serrent autour de l'église. Cela fait un groupe compact, d'un seul bloc, où l'on chercherait vainement une apparence de rue ou de place. Il n'existe que des venelles dont la plus importante, la Calier Major, mesure exactement 1,20 m de large. On m'a donné plusieurs raisons de cette disposition singulière. Le bourg ainsi tassé sur lui-même offre plus de résistance. D'autre part, la terre arable est si mesurée, tenue à si haut prix, qu'on se fait scrupule d'en rien distraire. Le morcellement de la propriété, qui confine ici à sa négation, serait un dernier obstacle à l'extension du bourg. De fait, Le sol apparaît quadrillé comme un manteau d'arlequin. Des muretins en pierre sèche cloisonnent tous les champs, et la plupart de ces champs n'ont que 3 ou 4 mètres carrés de superficie. Avec une telle division de la terre, il faut revenir aux procédés primitifs de culture, à la bêche et à la faucille. Beaucoup de ces murs ont été renversés par la tempête. Du côté de Carlaourou et du Lenne, le désastre est patent. La terre n'est plus qu'un grand champ de carnage où les galets ont l'air d'ossements desséchés. Des vaches maigres broutent entre ces galets. Quoi ? On ne sait, il n'y a plus rien. Elles lèchent les rares tiges laissées debout des plants de choux. Elles mâchent de vagues goémons. Le lait ici est tout naturellement iodé. Ce coup d'œil général sur l'île est bien insuffisant et, à vrai dire, ne m'apprend rien ou presque. Heureusement, j'ai dans M. Collin, dont la complaisance ne m'avait point été surfaite par son remplaçant, le meilleur et le plus renseigné des guides. Nous avons repris l'enquête à deux, vu le syndic, interrogé des gens. Demain, je retournerai sur les lieux et me ferai enfin une opinion sur cette tempête si diversement appréciée, qui n'a point été la catastrophe qu'on a dite, mais qui ne fut point si bénigne non plus qu'on l'a racontée ensuite. Dimanche. La tempête n'a cédé que le 20. Elle avait commencé le 3 au soir et se déployait dans toute sa violence le lendemain, 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, entre 2 ou 3 heures de l'après-midi. Le vent était ouest-sud-ouest, la marée de 98. Pauline Ménou, qui tient l'auberge sur le port Saint-Guénolé, sortit le matin pour assujettir ses volets. Un écran de brume jaune fermait l'horizon. La mer était couleur de plâtre. Dans la nuit, il y avait eu du tonnerre et des éclairs. À ce moment, Mathieu Porsmoguer, premier adjoint faisant fonction de maire, passait devant l'auberge. Il dit à Pauline Ménou : « Le baromètre est comme fou, il descend, descend, je ne sais pas si nous serons en vie ce soir. » Effectivement, le baromètre, de chute en chute, tomba pour s'y arrêter à 715. « J'ai 25 ans de service, me disait le syndic. J'ai vu des cyclones et des typhons. Le baromètre descendait à 722, même à 720, jamais plus bas. » Tout ce jour du 4, la marée ne déchala pas. Il y eut à peine de jusant. Grave symptôme qui inquiétait les plus fermes. Que serait le flot, grossi de toute cette réserve, porté, appuyé sur elle? Ce qui mettait le comble à l'inquiétude, c'était que 2 fois de suite déjà, en 1865 et en 1879, le raz-de-marée était survenu un 5 décembre. Ce retour d'un lugubre anniversaire frappait des esprits naturellement superstitieux. En 1865, circonstance terrible, le raz eut lieu de nuit. En 1879, par tempête de neige et de grêle. Cette fois, heureusement, il faisait jour. Le temps était gris, mais on voyait à 100 mètres devant soi. En prévision d'un sinistre, les chaînes avaient été doublées sur les bateaux, toutes les ancres mouillées. Les 3 sloops pontées de l'île, le Zénith, le SFM et le JMJ, étaient sortis de la veille. Peu ou point lestés, ballottant comme des œufs vides, ils auraient immédiatement rompu leurs amarres, seraient partis en dérive. À 10 heures, le flux s'ébranla et tout de suite la mer devint énorme. Un mur de houle cernait l'île. On ne voyait que de l'écume giclant, fusant à des hauteurs prodigieuses et qui s'abattait comme une neige autour de l'île. Nous étions là-dedans comme au fond d'une cuvette, expliquait le docteur Prigent. L'île, en effet, partant calme dans sa partie culminante, le tertre de Liffrand n'est qu'à 3,50 mètres au-dessus du niveau des hautes mers. Le point le plus exposé, immédiatement menacé, était Bégaralé. Il n'y a séant que des pâtis et du sable, très peu de rochers. Une digue trop faible et trop basse. Elle céda brusquement au centre, et par cette brèche, sans cesse élargie, la mer se jeta sur l'île. Elle couvrit les champs, renversa les clôtures, combla le Lenne, sorte de marécage en contrebas du bourg, et du Lenne, débordant vers le village, creva vers les maisons du Poule. Les habitants s'étaient enfuis. Ce Poule est le quartier pauvre du village. Les maisons, pour la plupart, n'ont pas de crépi intérieur, de dallage non plus, de plafond encore moins. On pouvait craindre que de là, par les canaux naturels des petites rues, la mer du Nord, gagnant les maisons du centre et de la rade, ne fît sa jonction avec la mer du Sud, qui battait le quai. Il eût fallu alors, comme en 1865, se réfugier sur les toits, dans la tour de l'église. L'inquiétude venait d'ailleurs. Toute la population sur le port regardait anxieusement vers la digue du Lengana, qui ferme la rade au sud. Une seule fissure dans cette digue et toute la flottille à l'ancre, la vraie richesse de l'île, était dispersée, chavirée, broyée. La mer, déjà si grosse dans le port, se fût enflée démesurément. La digue résista, quoique faible. Avec vent du nord ou du nord-ouest, un jour d'équinoxe, elle eût cédé. La catastrophe eût été complète. À la nuit seulement, après 5 mortels quarts d'heure d'étale, on signala une légère dépression dans le flot. Le vent était moins violent. La houle reculait. On se tourna vers le phare qui, debout là-bas, à l'extrémité de l'île, en plein tourbillon, luttait désespérément. Il restait maître de la position, mais une moitié de son parapet avait été enlevée, l'isthme qui l'attachait au rivage coupé. Il s'alluma enfin, au soulagement général. Cette flamme si haute sur la mer, si joyeuse, si claire, c'était le salut, la certitude que tout n'était pas dit une fois encore, qu'on rentrait dans l'espoir, dans la vie. Et aux 4 airs du vent, de tous les points de l'horizon, d'autres flammes, d'autres étoiles répondirent à celle-là. Armen, si terriblement exposé au bout de sa chaussée d'écueils de 8 lieues de long, vivait, respirait. Pimmar, Tefnek, le phare de la chèvre, faisait signe des yeux sur la grande terre. Seul, au point le plus rapproché du continent, de l'autre côté du rat, la vieille Gorlebella restait sombre, refusait d'ouvrir son œil vert. Jusqu'à 6 heures, elle demeura dans ses ténèbres. À ce moment, une clarté jaillit, mais faible, intermittente. Que s'était-il passé? On ne le sut que plus tard. Une lame avait défoncé 2 panneaux de la lanterne, pénétré dans la tour, inondé l'escalier, les chambres, la soute aux vivres, jeté à l'intérieur 17 mètres cubes d'eau. Les gardiens travaillèrent 4 heures à réparer ce désastre. Ils parvinrent, au prix de quels efforts, à remonter dans la lanterne, à s'y tenir contre le vent, les lames qui s'embarquaient par les panneaux crevés. Avec les matelas de leur lit, ils bouchèrent les panneaux, soutinrent les matelas par des battants d'armoire, consolidèrent le tout avec des cordes, des crampons, des traverses. Le fanal, alors, put être allumé. Mais les secteurs ouest et nord-ouest restaient dans l'ombre. Au même moment, un navire arrivait, plein vent arrière, le cap sur la vieille. Le secteur d'ombre, où il passait, lui masquait le phare. Nul moyen de l'avertir. Les gardiens n'avaient ni sirène, ni cloche, ni porte-voix, quand par bonheur un rayon filtra, renseigna le timonier qui put donner à temps un coup de barre. Fut-il repris par le rat? Se sauva-t-il malgré tout? On ose l'espérer. Autre drame foudroyant et sur lequel on ne possède aucune indication, pas un témoignage. La tourelle à feu de la petite vieille apparut, décapitée, au matin. Le conducteur des ponts et chaussées, M. Le Corvésier, racontait que 17 jours plus tard, quand il put enfin accoster la tourelle, il releva sur la face ouest l'empreinte nettement marquée d'une étrave. Sans doute quelque steamer dont la quille était venue heurter là et qui avait dû couler instantanément. Cette nuit, du 4 au 5, se passa dans une grande angoisse. On avait peur que la tempête ne reprît avant le jour. Les tempêtes ont leur rythme, comme les marées. Une aube blafarde se leva enfin sur l'île. Elle éclaira une terre morne, ravagée, que la mer ne lâchait qu'à regret. Tout le laine ne faisait qu'un lac. Les maisons du Poule contenaient encore 2 pieds d'eau. Plusieurs de ces maisons étaient lézardées, les vivres, la paille, le son, perdus ou gâtés. Le hangar des ponts et chaussées s'en allait par morceaux. La digue de Kerlaourou montrait 2 brèches de 3 à 4 mètres de large. À Bégar Raleigh, la digue était rompue complètement sur une longueur de 70 mètres. 2 chaloupes gréées en sloop et 6 canots avaient disparu avec leur matériel. On courut au plus pressé. Avant tout, il fallait vider les maisons, puis le laine lui-même. Mathieu Porsmoger, qui se multiplia en cette circonstance et mérita vraiment de ses compatriotes, fit sonner le tocsin. Hommes, femmes, enfants, il mobilisa toute la population valide. On travailla sans interruption, lui le premier, dans les galets et le sable, pour ouvrir de grandes tranchées, par où faire écouler l'eau. Il y fallut 5 jours d'un travail acharné. La terre, en dessous, ressortit toute blanche, sans une plante, une herbe. à Kerlaourou, au Gaver, près du phare, même spectacle. La terre s'est si profondément imbibée de sel qu'elle ne pourra rien produire de 2 ou 3 ans, et d'ailleurs les goémons d'épave assemblés en gros tas sur les communaux et destinés à l'engraissage du sol ou à la fabrication de la soude ont été balayés avec les murtins remportés par la mer. Le laine vidé en respira, pourtant la mer ne désarmait pas. Elle restait grosse, l'air mauvais. Les bateaux ne pouvaient sortir. Même du rivage, aucune pêche n'était possible. 8 jours passèrent sans amener l'accalmie. Brusquement, le 9e jour, la tempête reprit, moins forte, moins terrible que celle du 4. Mais l'île, moins gardée, n'offrait plus la même résistance. À ces craintes s'en ajoutait une autre qui commençait à devenir poignante. Les vivres allaient manquer. Dans les maisons du Poule, il ne restait rien. Le pain blanc venu d'Audierne et partagé avec les sinistrés fut mangé le premier, puis le pain de l'île, fait de seigle et de froment, et cuit au foyer sous la cendre de varech. C'est l'ancien mode de cuisson. La farine est pétrie sans sel. Quand la pâte lève, on la dépose sur une platine chauffée à blanc, qu'on recouvre d'un chaudron, autour duquel on entasse de la cendre. Il faut de 3 à 4 heures pour cuire ainsi le pain. La croûte en est bonne, dit-on, mais la mie lourde et grumelée. On s'en contenta. Le médecin et le syndic mangèrent de ce pain comme les autres, mais à la fin, il manqua aussi. On était au 16 décembre, et toujours sans communication avec le continent. Aucun bateau ne pouvait entrer ni sortir. Le préfet, à qui l'on câbla, avait bien fait ouvrir un crédit de 2 000 francs pour ravitailler l'île. Encore fallait-il que l'état de la mer permît le ravitaillement. Ce ne fut que le 20 décembre au matin, 17e jour du blocus, que le haleur arriva sur Rade. Il apportait de Brest des caisses de biscuits, des conserves et des salaisons qu'on distribua entre toutes les familles, riches et pauvres, de l'île. D'autres provisions venues d'Audierne parèrent à la famine qui menaçait. Encore une fois, l'île était sauvée.